بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا سؤال وجه إلى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. يقول السائل: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالفسق والكفر، خاصة بعد صدور الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على القائل بهذا؟ Il y a une question qui est arrivée à Cheikh Fawzan Hafidahullah et à laquelle il a répondu. Il a dit en ce moment, il y a eu beaucoup d'insultes contre eux et le dénigrement des grands savants de la communauté. Et on les traite comme quoi ils sont pervers, comme quoi ils sont mécréants, surtout quand ils ont émis les verdicts contre les attentats et qu'ils traitent nos savants comme quoi ils ont une faiblesse dans leur alliance et des aveux. Je vous demande de nous orienter, de nous faire un conseil à ce sujet-là. Et c'est quoi le fut, c'est quoi la, que dit la législation au niveau de la réfutation à cette parole, à celui qui dit cette parole? الجواب يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الواجب على الجاهل ألا يتكلم وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. La réponse dit Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى: il est obligatoire à l'ignorant de ne pas parler, et qu'il se taise, et qu'il craint Allah عز وجل, et qu'il ne parle pas sans science. Et dans la traduction approximative du sens du verset dans Sourate Al-A'raf, verset numéro 33 à 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans cette traduction approximative, dit: Allah, mon Seigneur, a fait illicite le blâmable, apparent et caché, et l'injustice, et le fait d'être injuste, et le fait d'associer Allah azza wa jal, hein, son preuve, et de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous savez pas, et de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala sur ce que vous savez pas. فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير والجهاد والولاء والبراء. أما النميمة والغيبة وهذا أمر لا يجوز، وأما مسألة الأحداث التي حدثت والتي تحدث وأمثالها فهي من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون فيها، ومن شأن العلماء أن يبينوا حكم الشرعي. وأما عامة الناس والعوام وأما الطلبة المبتدئون ليس هذا من شؤونهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيخ دودير شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: il n'est pas permis à l'ignorant de parler dans les sujets de la science, surtout dans les grands sujets, tel takfir et tel jihad et telle alliance et le désaveu. Quant à la médisance et au colportage, ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et quant aux événements qui sont arrivés et qui arrivent, faisant allusion aux attentats et aux poseurs de bombes, et ce genre de situation, il appartient aux hommes de science de rechercher, hein, d'étudier ces sujets et de se concerter entre nous, entre eux, car ça c'est les sujets qui concernent les hommes de science, pour éclairer la communauté sur la législation. Quant au commun des gens et quant au awam parmi le commun des musulmans et les demandeurs de science qui viennent de commencer, cela ça fait pas partie du sujet qu'ils doivent s'occuper. Cela c'est pas de leur sort de s'occuper de ce sujet. Et Cheikh Hafidhahullah de citer comme preuve cette parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourat Nisa, verset 83, où voici la traduction approximative du sens: quand il leur arrive une situation de sécurité ou de peur, il la propage sans savoir où il est l'intérêt. Il la propage, et s'il la ramène vers Allah et vers ceux qui ont son dîn, c'est-à-dire vers les savants de la communauté, vers ceux qui savent extraire, hein, vers ceux qui savent donner les verdicts éclairer la communauté, ça aurait été mieux pour eux. Hein, et ça aurait été une clémence. Et sans les vertus d'Allah, Azzawajal, et sans sa clémence, vous allez suivre Shaitan, sauf peu. Hein. فالواجب إمسا يقول الشيخ فالواجب إمساك اللسان في القول في مثل هذه المسائل لا سيما في التكفير والولاء والبراء والإنسان في الغالب جاهل بتطبيقه فقد يطبقه خطأ ويحكم على الناس بالضلال والكفر ويرجع حكمه عليه إيه الشيخ de dire il est obligatoire de s'abstenir de ne pas parler dans ce genre de situation dans ces grands sujets qui sont تكفير qui sont l'alliance et le désaveu. Et l'être humain, en général, il est ignorant. Et peut-être il va... Hein? Et peut-être... Il va appliquer un hukm avec erreur. Il va donner un hukm à une situation. Et le hukm ne va pas avec la situation. Et il va décréter que les gens sont dans l'égarement, que les gens sont dans la mécréance. Et ce hukm va se retourner contre lui. Et ce jugement se retourna contre lui. لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا وعلى الذي يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من ولاة الأمر أو العلماء فهذا لا بد أن يبحث في هذا الأمر ويتحرى الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار طلبة العلم فليس له الحق أن يصدر الأحكام على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك هذا يضر المتكلم. Il dit, Cheikh Hafidah Allah Ta'ala, parce que l'être humain, quand il dit à son frère, ô mécréant, ou là, ô pervers, ceci peut retourner contre lui, والعياذ بالله. La situation est dangereuse, et celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, qui craint Allah Azza wa Jal, doit retenir sa langue, et, sauf ceux qui doivent s'occuper de ces situations-là, ce sont les gouverneurs, ce sont Oulat al-Amr, et ce sont les savants qui doivent chercher la solution dans ce sujet, qui doivent traiter ces sujets, qui doivent émettre les jugements sur ce sujet. Mais quand la personne fait partie du commun des gens et qu'il fait partie du petit demandeur de science, il n'a pas le droit d'émettre des jugements. Il n'a pas le droit d'émettre des jugements sur les gens. Il n'a pas le droit de parler sur les gens. Et il est ignorant. Et en plus de ça, il médise et il parle sur du sujet comme tkfir, comme la tfsir. Ceci, hada, celui qui parle ainsi et qui est dans cette catégorie-là, il se fait du mal à lui-même. يقول الشيخ حفظه الله على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يتكلف ما لا يعنيه وعليه بالدعاء للمسلمين بالنصر والدعاء إلى الكفار بالعقوبة هذا من حقك وواجب عليك أما أن تتناول الأحكام الشرعية وتخطئ وتتكلم في أعراض ولاة الأمر والعلماء وتحكم عليهم بالكفر أو بالضلال فهذا خطير عظيم عليك أنت يا أيها المتكلم وأما هم لا يضرهم كلامك فيه والله أعلم من شريط أهداف الحملات الإعلامية ضد حكام وعلماء بلاد الحرمين. Et il dit Cheikh Hafidah Allah Ta'ala, il est du devoir du musulman qu'il retienne sa langue et qu'il ne s'impose pas ce qu'il ne peut pas faire et qu'il lui appartient de faire dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala donne le triomphe et la suprématie à la communauté de l'islam et aux musulmans et qu'il fasse dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala châtie les mécréants. Ça c'est ton devoir. Ou il faut pas que tu parles, que tu y mettes des lois et que tu dises que les gens sont dans l'erreur et que tu parles sur l'honneur des gouverneurs et tu parles sur les personnalités des gouverneurs et sur l'honneur des savants et que tu décrètes qu'ils sont dans la mécréance, qu'ils sont dans l'égarement. Ceci est très dangereux. Ceci est un grand danger pour toi. Toi qui parles ainsi. Et ceci, quand tu dis ceci, ça ne fait rien pour eux. Ça ne les dérange en rien. Mais tes paroles, tes paroles que tu dises, ça ne les dérange en rien, ça leur fait rien du tout, ça les atteint même pas. Et ceci est tiré d'une cassette qui s'appelle Le but des propagandes des médias contre les gouverneurs et les savants des pays, du pays d'Al-Haram. Hafidhahum Allah Ta'ala. هذا كلام هذا نهاية كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى حول هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلام الشيخ حفظه الله. فبقي لنا من يريد أن يبقى معنا فليبقى، من عنده حاجة فليبقى. بقي لنا صفحة ونصف لإتمام تعليقات الشيخ صالح السحيمي حفظه الله على رسالة الشيخ عبد المحسن العباد. يقول الشيخ حفظه الله: هذه بعض الخطوات للسلامة والوقاية من هذا الداء، ثم إنه أيها الإخوة يجب أن نتضامن وأن نتكاتف وأن نتحاب في الله، وأن نكشف عن كل من تسول له نفسه مثل هذه الأعمال الشريرة، لأن كل من يتستر على هؤلاء الأشكال ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. إيه شيت revenons à au sujet et au commentaire de Cheikh Salih Souhaimi حفظه الله تعالى. Il dit qu'il nous a cité certains points pour se préserver et pour sortir de ces préservations. Inch'Allah, nous allons terminer son commentaire. Il reste à peu près une page et demie. Hein? Après nous avoir cité la voie de notre pour se préserver de ces perturbations, il dit aux frères en Allah Azza wa Jal, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on s'aime en Allah Azza wa Jal. Il faut que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle les gens vers ses mauvais actes, qu'on dévoile sa situation, qu'on avertisse contre lui. Car celui qui cache et qui ne divulgue pas de la situation de ce genre d'humains qui veulent le mal, qui veulent faire du mal, il rentre sur la parole du prophète alayhi salam qui dit: Allah maudit celui qui accueille un innovateur. Celui qui l'accueille. Awa muhditan. Fal muhditu alladhi yatajarra'u ala hurumatillah. يتجرأ على المسجد الحرام وما حوله يريد أن يلحد فيه. إذا كان الله عز وجل توعد مجرد العزم أو النية والعمل بالفعل والهم بالفعل خارج الحرم، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني رجع إلى الله كتبت له حسنة، لكن في مكة من هم بسيئة فلم يعملها كتبت عليه سيئة، لقوله عز وجل: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذين يبررون لهؤلاء ويدافعون عنهم أو يستسهلون أمرهم أو يقولون إن لهم مبررا ويقولون إن لهم عذرا، ما عذرهم؟ علي رضي الله عنه بعد أن أرسل ابن عباس للخوارج فناظرهم فرجع من رجع، قاتل البقية حتى قتلهم عن بكرة أبيهم، ووجد بينهم ذا الثذية الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إحدى يديه مقطوعة ولم يبق منها إلا ما يشبه ثدي المرأة. Donc cet innovateur qui a l'audace de transgresser les interdits de Allah Azza wa Jal et le sacré de Allah Azza wa Jal. Cet innovateur qui a eu l'audace de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans la mosquée sacrée et dans le sacré d'Allah Azza wa Jal qui entoure la mosquée sacrée d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a fait un avertissement à celui qui a l'intention de faire un mauvais acte en dehors du haram. Et celui qui a l'intention de faire une bonne œuvre et qui ne l'a pas faite, Allah subhanahu wa ta'ala lui transcrit son intention. Comme une hasana. Et celui qui a l'intention de faire du mal et qui ne le fait pas, et qu'il revient vers Allah Azza wa Jal, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui transcrit une hasana. Mais celui qui est à Mecca veut faire un mal, il l'a pas fait, il lui a transcrit comme mal. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et celui qui veut l'injustice, commettre des actes injustes dans le haram, nous allons lui faire goûter un douloureux châtiment. Ceux maintenant, dit Cheikh, qui trouvent des excuses à ceux qui ont agi ainsi, dans le haram d'Allah Azza wa Jal, ou là ailleurs, et qui les défendent, et qui rendent, et qui prennent comme facile la situation, et leurs actes, et leurs crimes, ils disent, ils ont des excuses. Quelle excuse ils disent, dit Cheikh Hafidhahullah Ta'ala? Ali radiallahu anhu, quand il a envoyé Abdullah ibn Abbas, al-Khawarij, et qu'Abdullah ibn Abbas a débattu avec le Khawarij, et que certains sont revenus, les 2000 qui sont revenus, il a combattu les autres, il les a tués, hein, et certains se sont sauvés. Il les a combattus, et il a trouvé parmi eux, Zathudaya, cet homme dont t'as parlé, dont t'as donné les descriptions du prophète, alayhi salam, qui avait le bras coupé, il restait de son bras, juste, hein, comme une mamelle du sein d'une femme qui bouge comme ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Zathudaya, il en a parlé, et Ali radiallahu ta'ala a remercié Allah azza wa jal quand il a trouvé dans le camp, dans, parmi les morts du combat, quand il a trouvé cet homme-là. Il savait qu'il était sur la vérité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné les signes. فاحذروا إخوة الإسلام من هذا الفكر يقول الشيخ واحذروا من قراءة الكتب التي تغديه وعلى رأس هذه الكتب كتاب العوائق والمنطلق وغيرها وما أكثرها لا كثرها الله وكسر أهلها. Il dit attention à cette pensée et attention à la lecture des livres qui nourrissent cette pensée et à la tête de ces livres, et malheureusement on commence à les trouver en Europe, العوائق والمنطلق, qui sont à celui qui les a écrits, c'est pas le même, c'est juste un nègre, c'est juste un pseudo. Il n'ose même pas mettre son nom dessus. Hein? C'est un pseudo. Hein? Il n'ose même pas. Il n'a même pas, hein, le courage de mettre son nom et de se faire connaître. Il met un pseudo-nom. Hein? L'Awariq, le Montala, des mauvais livres, avec jalons sur la route. Et il s'y trouvait des gens qui n'ont pas de raison, qui ont être traduit ma'alim fi tariq. L'aïdan billah. Et ça, ce sont une panoplie de livres qui sont la formation du tkfir et du monde moderne. Qui sont la formation du bon bimen à retardement. C'est par ces livres qu'ils sont nourris. Fa'alayna an nabta'id an hadi al-kutub. Wa an nashtahid fi khidmi hadi al-fitan. Ala al-luzum ulama al-umma. والاجتهاد في طاعة الله ثم علينا أن نرجع إلى الله ونردم المستنقعات ونجتهد في إزالة المعاصي والمنكرات التي يتحججون بها وهم أهلها وأكبر المنكرات عندهم. الشيخ de nous dire il faut qu'on s'éloigne de ces livres, il faut qu'on fasse des efforts pour au milieu de ces grandes perturbations et que nous nous cramponnions aux hommes de science de cette communauté et que nous fassions des efforts dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Il est obligatoire pour nous de revenir vers Allah Azza wa Jal et que nous enterrions ces fossés du mal et que nous fassions des efforts pour enlever les péchés et ces choses blâmables qu'eux-mêmes ils prennent comme preuve, les péchés capitaux qu'ils prennent comme preuve pour rendre la communauté de l'islam mécréante. Alors que le blâmable, il est chez eux. Hein? Vous voyez les images que nous a citées certes tout à l'heure. Après avoir tué la femme d'un des fils du, après avoir tué un fils d'un des compagnons du prophète, alayhi sallam, et d'avoir tué sa fille, sa femme, et d'avoir éventré le ventre de sa femme pour sortir le petit qu'il y a dedans pour l'égorger, qu'est-ce qu'il y a comme mal? Chez qui il y a le blâme? Chez eux ou là, dans les sociétés? C'est chez eux qu'il y a les blâmes. Mais ils n'ont pas de raison pour réfléchir. Ils n'ont pas de raison. Et il avait raison, l'un des savants contemporains qui est mort, Rahmatullah Alayh, qui a dit, s'il y a des raisons dans le marché qui se vendent, on les achète pour les donner à ceux-là, pour les offrir à ceux-là, parce qu'en réalité, ils n'ont pas de raison. Mais l'illadi makkana lil-gharb wa shark min riqab al-muslimin, mundu sanawat, oulaïka alladina yin'iquna fil fadaiyat, fi kulli makan bihada al-madhab. الخبيث أولئك الذين هم كلاب أهل النار وأتقرب يقول الشيخ وأتقرب بهذه الكلمة وأنا في بيت الله في مسجد رسول الله لأن الذي سماهم بهذا الاسم لست أنا بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماهم بهذا الاسم. Il dit et qui a donné la suprématie à l'est et à l'ouest pour avoir le dessus sur les musulmans depuis quelques années maintenant. Ce sont ces gens qui parlent de ce qu'ils ne savent pas sur les antennes de télé et qui propagent cette impure voix qui est la voix d'El Khawarij partout. Ceux qui sont les chiens des gens de l'enfer. Et il dit, je me rapproche d'Allah. Cheikh Souhaim, il dit, je me rapproche d'Allah avec cette parole. Et il dit, moi je suis dans la maison d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire son cours, il le donnait sur une des chaises de l'enseignement dans la mosquée du prophète Ali. Il a dit, je suis dans la mosquée du prophète Ali, et je me rapproche de Allah Azzawajal, on lui dit qu'ils vont ainsi, parce que ce n'est pas moi qui les a appelés ainsi. C'est le prophète Ali qui les a désignés avec ce terme. Les chiens des gens de l'enfer. Kilabu ahlinna, alladina yukaffiruna al-muslimin, alladina hayyaju al-kuffara dhidda al-muslimin, famakkanu lahum. وذهبت أفغانستان وذهبت العراق وربما يذهب شيئا آخر إلا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. Ces chiens des gens de l'enfer, comme les a décrit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rendu mécréants les musulmans. Ils ont excité les mécréants contre les musulmans. Et ils leur ont donné la possibilité de prendre le dessus sur eux. Ainsi l'Afghanistan est parti. Ainsi l'Irak est parti. Et peut-être autre chose va partir si nous ne revenions pas vers Allah Azza wa Jalla. Si nous ne revenions, إلا أن نعود إلى الله ونجتمع على كلمة سواء ونبعد هؤلاء من صفوفنا ونوضح أمرهم. Si nous ne revenions pas vers Allah Azza wa Jal et que nous nous réunions sur une parole commune et que nous éloignions cela de nos rangs et que nous ne nous éclairions pas les gens sur leur situation, là, beaucoup de choses vont partir. Il est de notre devoir, hein, de se réunir sur la parole, sur l'unicité. Hein? Comme il a dit, cher tout à l'heure, cher Al-Utaybi, il a dit, il faut l'unicité des peuples. Mais avant, il faut que les cœurs soient unis sur la parole de l'unicité. Avant d'avoir cette unicité, hein, des peuples et des gens, il nous faut d'abord que nos cœurs soient unis sur la parole de l'unicité. Pour qu'il y ait le triomphe. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la suprématie. Et هذا يقول بعض الدعاة حفظه الله تعالى توحيد اجتماع على كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. C'est pour ça certains prêcheurs حفظه الله تعالى il dit faut se réunir sur la parole de l'unicité avant de se réunir. Il faut se réunir sur la parole de l'unicité avant que notre parole soit unie. Hein? Parce que la base c'est ça, c'est l'unicité. Comme il a attiré notre attention tout à l'heure, cher Al-Utaybi Hafidhahullah Ta'ala. Et que nous nous réunions sur une parole commune. Et que nous éloignions ces gens-là de nos rangs. Et que nous éclairions les jeunes et la communauté sur la situation de ces gens. Naam yaqul al-Sheikh, al-Hikma matlouba. Lakin al-Hikma la ta'ni al-tanazul ani al-manhaj al-haq. Naam, insahhum, wa wajjihhum, wa talattaf ma'hum, wa ijtahid qadra al-imkan fi hidayatihim. Lian al-hadaf huwa al-hidayah. Le Cheikh dit, certes, la hikma, la sagesse est demandée. Mais le hikma, ça ne veut pas dire que tu délaisses la voie de la vérité. Là, la hikma, c'est que tu restes sur la vérité. Et que tu les conseilles et tu les orientes vers la vérité. Et que tu sois bon avec eux, hein, et que tu fasses des efforts selon tes capacités pour qu'ils reviennent à la vérité. Et pour qu'ils reviennent à la voie de la vérité. Car le but, c'est qu'ils se guident et qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. لكن إذا ركبوا رؤوسهم واستمروا في الأخذ عن خوارج الفضائيات ماذا بقي؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لا يجوز التبرير لهم ولا التهوين من شأنهم ولا أن يتساهل في أمرهم. Mais si ils suivent leur passion, ils suivent leurs pensées, ils continuent à prendre de ces leaders à travers les chaînes, hein? De télé, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste après la vérité? C'est non l'égarement. Il n'est pas permis de leur trouver des excuses. Il n'est pas permis de rendre facile ce qu'ils vont, de ne pas, hein, de négliger les atrocités qu'ils commettent. Hein? Il n'est pas de notre devoir de négliger. C'est des atrocités. C'est horrible. On se demande s'ils ont des cœurs. Ou là, s'ils ont des bombes à la place des cœurs. بعض الناس يقول لا يجوز أن تقول لهم خوارج والشيخ يقول والله إني أتقرب إلى الله بإطلاق هذا اللقب عليهم وأنت ما الذي يمنعك من الجرأة أنا ما قلت يقول الشيخ أنا ما قلت سبهم ما قلت لك اشتمهم يقول الشيخ نحن لسنا شتامين ولا سبابين لكن نصفهم بما وصفهم به رسول الله إنهم خوارج إنهم إكلاب أهل النار إنهم مارقون إنهم يكفرون المسلمين إنهم ضلال إنهم مبتدعة هذه أوصافهم فعلينا أن نلزم السنة فكل خير في اتباع السنة كل خير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Cheikh, il dit, certaines personnes te disent, il n'est pas permis que tu les appelles Khawarij. Cheikh, il dit, par Allah, moi je me rapproche d'Allah Azza wa Jal en leur donnant ce nom, en les appelant ainsi. Hein? Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas les appeler ainsi? Pourquoi tu n'oses pas les appeler ainsi? Hein? Il dit, Cheikh nous dit, moi je t'ai pas demandé de les insulter. Nous ne sommes pas des gens qui insultent les gens. Mais nous les décrivons comme il les a décrits Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Que ce sont des khawarij, que ce sont les chiens des gens de l'enfer, que ce sont des mariqoun, hein, et qu'ils rendent mécréants les musulmans, et que ce sont des égarés, et que ce sont des innovateurs. Ça, c'est leur description. Et il est de notre devoir de se cramponner à la sunna. Et tout le bien est dans le fait de suivre la sunna. Et tout le bien est dans le fait de suivre la guidée du prophète alayhi salam. Et c'est lui qui a dit, cramponnez-vous à ma sunna. Et à la sunna du khalif bien guidé après moi. Intabi, yaqul al-shaykh, intabi akhil karim, yaqul alayhi salatu salam, man hamala alayna al-silah falaysa minna. بمجرد الحمل فما بالكم بمن يفجره ويرمه ويقتل الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء. قول الشيخ انتبه fais attention noble frère. الرسول صلى الله عليه وسلم a dit celui qui porte l'arme contre nous ne fait pas partie de nous. Hein? Nous avons vu au début les interprétations qu'avaient donné les hommes de science à ceux il ne fait pas partie de nous. Donc juste le fait de porter l'arme, qu'est-ce qu'il en est dans celui qui commet des attentats, qui pose des bombes, et le résultat des bombes, qu'est-ce qu'il y a? Destruction des biens détruits, hein? La mort des enfants, la mort des personnes âgées, la mort des innocents, il n'y a des femmes et des enfants et des nourrissons, il n'y a que les innocents qui partent victimes de ce genre d'actes. Bi'ayyi haqqin ayyuha al-khariji, bi'ayyi haqqin ayyuha al-jahil, ya man gharra bika zu'ama hadha al-madhhab al-fasid. بأي حق تقتل المسلمين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي رواية المارق من الدين فانتبه يا عبد الله من حمل علينا السلاح ليس منا والكعبة عظيمة عند الله ولكن دم المسلم أعظم منها وأشد حرمة من حرمة الكعبة المشرفة. Avec quel droit, ô toi le kharijite, avec quel droit, ô toi l'ignorant, ô toi qui t'es fait avoir par ces leaders de cette voie mauvaise, de cet égarement, avec quel droit tu tues les musulmans? Hein? Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait d'insulter un musulman, c'est une perversité. Et le fait de le tuer, c'est une mécréance. Là, nous avons vu tout à l'heure, et mécréances sont en être. Une grande mécréance et une petite mécréance avec le détail qu'en font les hommes de science. Il n'est pas permis de tuer un homme musulman. Un homme musulman, il ne peut être tué par un juge et non pas par le commun des musulmans. Par un juge que s'il tombe dans trois catégories de choses. L'homme marié ou là qui a été marié qui commet l'adultère. Ou quelqu'un qui tue quelqu'un, et dans ces cas-là, c'est la loi du talion, et ceux-ci, ce sont des actes qui ne s'accomplissent pas par le commun des musulmans, qui s'accomplissent par les juges. Et celui qui délaisse sa religion et qui délaisse le groupe de l'islam. Dans une autre version, il marq min ad-din, celui qui sort de la religion. Et Cheikh de dire, fais attention, serviteur d'Allah, azzawajal, hein, celui qui porte l'arme contre nous. Alors cela dit, juste celui qui porte l'arme contre nous, il n'est pas de nous. Et il dit, le Kaaba, hein, cette noble maison, cette maison sacrée d'Allah, azzawajal, il est énorme, sa place est énorme, chez Allah Azza wa Jal. Mais le sang d'un musulman est beaucoup plus important que la Kaaba. Il est plus sacré que le sacré de la Kaaba. فكيف تجرأ يا مسكين على استباحة دماء المسلمين؟ كيف تجرأ يا عبد الله على هذا؟ اسمع معي هذا الحديث المخيف، يقول صلى الله عليه وسلم في بيان وصف هؤلاء هذا الوصف العظيم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وصعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. الشيخ يدير كمون أو بوف كمون tu te permets de rendre licite le sang des musulmans. Comment, serviteur d'Allah, tu oses faire ceci? Écoute ce hadith du prophète, alayhi salam, ce hadith qui fait peur, qui est un hadith authentique, qui nous montre, qui nous décrit la situation de ceux-là. Cette grande description, et cette énorme description qu'on donne le prophète, alayhi salam, a dit la chose que j'ai le plus peur pour vous, c'est un homme qui a lu le Coran, jusqu'à ce que le Coran l'embellisse, il soit, on nous le connaît comme quelqu'un qui a lu le Coran, etc. Et quelqu'un qui défend l'islam. Et tout d'un coup, il tourne le dos au Coran. Il se détourne. Il prend son épée, et son arc, et il tue son voisin. Il dit à son voisin: tu es un associateur. Il le tue. Il le tue. Parce qu'avant de tuer un tkfirine, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils rentrent dans mes crayons. Comment tu crois qu'ils tuent qu'ils sont arrivés à tuer les soldats en Algérie? Oh là, le pauvre planton qui est devant la porte du juge, dans un tribunal algérien, etc. Comment? Ils disent: le hakim, il ne juge pas avec les lois d'Allah, Azza wa Jal. Donc, il est mécréant. Et donc, le pauvre policier, qui est sous les ordres de ce hakim, il accepte les lois de ce hakim, de ce gouverneur, donc lui aussi il est mécréant. Et le pauvre planton qui est à la porte du juge, et que ce juge ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal, donc il accepte ce qu'il fait, dans ce qu'il fait, ils l'ont tué. Et ils disent aussi: les populations ne disent rien contre ces lois de la mécréance, donc ils acceptent, ils sont consentants, donc ce sont des mécréants. Des implications, ça implique la wazim. Et après, tous ils sont devenus mécréants, bon, ils te tuent. Ça, 100 000 personnes victimes. À cause de ces gens qui ne comprennent rien à la religion d'Allah Azza wa Jal et qui rendent mécréants. Et Cheikh, il nous a montré tout à l'heure, il dit, là, il passe d'abord les étapes, c'est critiquer les savants, critiquer les gouverneurs, remplir les gens de haine contre leurs savants et leurs gouverneurs, et après rendre mécréants les savants, les gouverneurs, les populations, et après, les attentats, les tueries et les massacres. 3 étapes, et on est dans l'étape, la 3e étape, comme il a dit Cheikh Abdallah Ta'ala. Donc celui-là, il a dit, dans le hadith, la description de celui-là, il a dit: son voisin, tu es mécréant, tu es associateur, il l'a tué. Le rapporteur du hadith, il a dit: il y a un prophète d'Allah, qui est l'associateur parmi les deux? Il a dit: l'assassin. L'associateur parmi eux, c'est qui? Rasulullah. Il a dit: celui qui a tué. On dort. Akhal Islam, yaqra al Quran, wa huwa la yujawiz hunjurata. Thumma alayna an natanabbah, kama qult lis salam min hada. أن نلزم علماء الأمة وأن نجتهد في العبادة واللجوء إلى الله والإكثار من العبادة والدعاء. الشيخ يقول: regarde, il lit le Coran, mais le Coran ne dépasse pas sa gorge. Il dit: il est de notre devoir de faire attention, d'être éveillé pour être en sécurité. Il est de notre devoir de se cramponner aux savants de la communauté. Et que nous fassions des efforts dans l'adoration à Allah Azza wa Jal, et de se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal, et de faire beaucoup d'adoration, et de faire beaucoup de dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et qu'il préserve la communauté et la jeunesse de cette communauté de ce genre de pensée. Wa huna intaha kalam ta'liq al-Sheikh hafidhahullah ta'ala. Ici est terminé le commentaire d'El Cheikh Suhaimi hafidhahullah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى فرصه اخرى ان شاء الله